Chapitre 23. Ordonner le bien et interdire le mal. Allah Ta'ala dit: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. Sourate 3, verset 104. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Sourate 3, verset 110. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Sourate 7, verset 199. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable. Sourate 9, verset 71. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient. Sourate 5, verset 78-79. Et dit: la vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroit. Sourate 18, verset 29. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé. Sourate 15, verset 94. Nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal, et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Sourate 7, verset 165. Les versets concernant ce chapitre sont nombreux et notoires. 184. Abu Sa'id al-Khudri rapporte qu'il entendit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: quiconque parmi vous voit une chose répréhensible, qu'il la change par sa main. S'il ne le peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne le peut pas, alors par son cœur. Et c'est là le plus bas degré de la foi. Muslim. 185. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: aucun prophète ne fut envoyé avant moi à une nation sans qu'il n'eût dans celle-ci des disciples et compagnons qui suivaient sa voie et obéissaient à ses ordres. Puis leur succédèrent des gens qui disaient ce qu'ils ne faisaient pas et faisaient ce qu'il ne leur était pas prescrit. Celui qui combat ces derniers de la main est un croyant. Celui qui les combat par la langue est un croyant. Et celui qui les combat avec le cœur est un croyant. En dessous de cela, il ne reste pas la moindre trace de foi. Muslim. 186. Abu al-Walid Ubada ibn Samit radiyallahu anhu rapporte ce qui suit: nous avons prêté serment au messager d'Allah alayhi salatu wassalam d'écouter et d'obéir à ceux qui détiennent le pouvoir, dans l'adversité comme dans l'aisance, dans ce qui nous plaît comme dans ce qui nous répugne, malgré leurs privilèges, et de ne pas leur disputer le pouvoir, sauf si l'on constate chez eux une incroyance flagrante et dont nous détenons la preuve venant d'Allah. Nous avons également fait le serment de dire la vérité où que nous soyons, sans craindre les reproches de qui que ce soit. Al-Bukhari et Muslim. 187. D'après An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui respecte les obligations et les interdictions d'Allah et celui qui les viole ressemblent à des gens qui tirèrent au sort leur place dans un bateau, certains se retrouvant sur le pont et d'autres à fond de cale. Ces derniers doivent passer par les premiers sur le pont pour pouvoir puiser de l'eau. Ils se disent: si nous creusions un trou dans notre partie du bateau, nous éviterions de déranger ceux d'en haut. Si ces derniers les laissaient faire, ils périraient tous. Et s'ils les en empêchaient, ils auraient tous la vie sauve. Al-Bukhari. 188. Selon la mère des croyants, l'épouse du prophète, Salama Hind bint Abi Umayya Hudhayfa, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Des gouverneurs vous seront imposés par vos souverains. Vous approuverez certains de leurs actes et en désapprouverez d'autres. Celui qui les réprouvera en son fort intérieur n'aura pas à en rendre compte. Celui qui les désapprouvera se sera préservé du péché. Mais celui qui les acceptera et les suivra devra en répondre. Les compagnons dirent « Ô messager d'Allah, ne devrons-nous pas les combattre ?»« Non, tant qu'ils accompliront la salat parmi vous, » répondit-il. Muslim 189. Selon la mère des croyants, l'épouse du prophète, Umul Hakam Zainab bint Jahsh, radiyallahu anha, le prophète, alayhi salatu wassalam, entra un jour chez elle, effrayé, en s'exclamant « Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Malheur aux Arabes, des épreuves s'approchent d'eux. » Un trou de cette taille, et il forma un cercle avec son pouce et son index, vient d'être fait dans la barrière qui retient Gog et Magog, Yajuj et Majuj. Zainab dit « Ô messager d'Allah, périrons-nous alors qu'il y aura parmi nous des vertueux ?»« Oui, répondit-il, lorsque le vice se sera répandu. » Al-Bukhari et Muslim 190. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Prenez garde à vous asseoir dans les rues. Ô messager d'Allah, nous avons besoin de nous y asseoir pour discuter, » dirent les compagnons. « Si vous ne pouvez vous en passer, alors donnez ces droits au chemin, » dit-il alayhi salatu wassalam. « Et quels sont les droits du chemin, ô messager d'Allah ?» demandèrent-ils. « Baissez le regard, ne pas nuire aux gens, rendre le salut, ordonner le convenable et interdire le blâmable, » répondit-il, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari et Muslim 191. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vit une bague en or au doigt d'un homme. Il, sallallahu alayhi wa sallam, la retira et la jeta en disant « L'un d'entre vous met-il volontairement une braise de feu dans sa main ?» Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'éloigna, on suggéra à l'homme « Prends ta bague et tire-en un quelconque profit. » Il répondit « Non, par Allah, je ne la reprendrai sûrement pas, alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a jeté. » Muslim 192. D'après Abu Sa'id al-Hassan al-Basri, Aïd ibn Amr, radiyallahu anhu, alla voir Ubaydullah ibn Ziyad et lui dit « Ô mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Les plus mauvais bergers sont ceux qui se comportent brutalement avec leurs troupeaux. Prends donc garde de ne pas être comme eux. » Ibn Ziyad lui répondit « Assieds-toi, car tu fais partie des compagnons de Muhammad qui n'ont aucune importance. » Aïd, radiyallahu anhu, rétorqua « Y a-t-il parmi eux des gens sans importance ? Les gens sans importance sont plutôt venus après eux et n'étaient pas des compagnons. » Muslim 193. Selon Hudhayfa, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, ou bien vous ordonnerez aux gens d'accomplir le bien et leur interdirez de commettre le mal, ou alors Allah vous fera certainement goûter à son châtiment, puis vous l'invoquerez, mais en vain. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » 194. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le meilleur djihad consiste en une parole de vérité prononcée devant un souverain juste. » Abu Daoud. Et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » 195. D'après Abu Abdillah, Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi, radiyallahu anhu, un homme, alors qu'il avait mis le pied à l'étrier, interrogea le prophète, alayhi salatu wassalam. « Quel est le meilleur des djihads ?» Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Une parole de vérité prononcée devant un souverain injuste. » An-Nasa'i, avec une chaîne isnad authentique. 196. Selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le vice s'installa pour la première fois dans les tribus d'Israël lorsqu'un homme en rencontrait un autre et lui disait « Et toi, crains Allah et ne commets plus ce que tu fais car c'est interdit. » Puis, quand il le rencontrait le lendemain, la situation n'avait pas changé, mais cela ne l'empêchait pas de manger, de boire et de s'asseoir avec lui. Allah les dressa alors les uns contre les autres. Puis il, alayhi salatu wassalam, récita « Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants, comme est mauvais certes ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils s'éterniseront. S'ils croyaient en Allah, au prophète, et ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers. » Sourate 5, versets 78 à 81. Puis il, alayhi salatu wassalam, ajouta « En effet, soit vous recommandez le bien, interdisez le mal, empêchez l'injuste de commettre une injustice et l'obligez à rester sur le chemin droit, soit Allah vous dressera les uns contre les autres, puis il vous maudira comme il les a maudits. » Abu Daoud. At-Tirmidhi a ajouté « Hadith Hassan ». Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimahullah. D'après la version d'At-Tirmidhi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand les Israélites multiplièrent leurs péchés, leurs rabbins les condamnèrent, mais en vain. Puis ces derniers se joignirent à leurs assemblées, mangèrent et burent avec eux jusqu'à ce qu'Allah les dresse les uns contre les autres. Puis Allah les a maudits par la bouche de David et Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. » À cet instant, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui était jusqu'alors accoudé, s'assit et dit « Non, par celui qui tient mon âme dans sa main, vous n'éviterez cela que si vous obligez les pervers à rester sur le chemin droit. » 197. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, a dit « Ô homme, vous récitez ce verset « Croyant, ne vous souciez que de vous-même, celui qui s'égare ne vous nuira point si vous suivez le bon chemin. » Sourate 5, verset 105. Or, j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Si les gens voient un homme commettre une injustice et ne l'empêchent pas d'agir, peu s'en faut que le châtiment d'Allah ne les atteigne tous. » Abu Daoud, At-Tirmidhi et An-Nasa'i avec des chaînes à Sanid authentiques.